Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 30 septembre, il est 20h01 sur Fadjet et voici notre émission Music Live. C'est la rentrée, c'est pas gai, alors j'espère bien vous divertir de ce soir pendant une heure. Vous le savez, Fadjet fête ses 40 ans, mais c'est aussi les 40 ans de ce qu'on a appelé le plus grand concert de tous les temps. Et si vous aussi vous êtes né en 1985 et que vous avez fêté ou vous allez fêter vos 40 ans, alors d'avance, joyeux anniversaire à tous. On va donc naviguer ce soir entre ces deux événements pour notre plus grand plaisir et ça va être grandiose, je vous l'assure. Vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti, générique Eric. Live. Avec Yo. Sur Fadjet. Tous les derniers mercredis du mois. Alors, rappelez-vous, nous sommes le 13 juillet 85, à l'initiative de Bob Geldof, un musicien anglais, qui, depuis déjà plusieurs mois, travaille sur un concert suite à une famine qui avait lieu en Éthiopie dans cette année 84 et 85, et il avait décidé de monter un grand concert où toutes les stars ont évidemment répondu présentes. Alors, imaginez cet événement qui se déroule dans plusieurs lieux. Les deux plus importants se trouvent à Philadelphie, aux États-Unis, et également à Londres, au stade de Wembley. Mais aussi, il y a eu des concerts qui se sont déroulés en Russie, en Allemagne, aussi en Australie. Voilà, il y a eu 7-8 concerts en tout qui se sont déroulés en même temps. Alors, c'est retransmis évidemment par les télévisions américaines et de nombreuses chaînes de télévision françaises. On estime à peu près à 2 milliards le nombre de personnes qui l'ont suivi dans plus de 100 pays. Et puis, il faut savoir aussi que ce soit à Londres ou que ce soit à Philadelphie, il y avait 100 000 personnes qui étaient là toute la journée ou qui se sont relayées pour pouvoir assister à ce concert. Alors, on va d'ailleurs à noter que un artiste s'est servi de cette c'est une autre que Roger Waters s'est servi de cette journée-là pour écrire un titre qui s'est appelé The Tide is Turning. Voilà, la marée tourne. Le bénéfice de cette journée a été environ, aujourd'hui on l'estime à 250 millions de dollars. Alors, entre Londres et Philadelphie, c'est finalement 78 artistes qui vont se produire pour une durée de 24 heures si on cumule toutes les prestations de chaque artiste et 12 heures en temps réel sur chaque site. Voilà, il est 13 heures dans le stade de John F. Kennedy à Philadelphie, 9 heures en France, ce qui sera notre horaire de référence. Il y a déjà 80 000 personnes. L'ambiance est torride, la chaleur est intense, il fait plus de 35 degrés et des canons à eau arrosent la foule. C'est Bernard Watson, un artiste de Floride, qui ouvre le bal en prenant une chanson de Bob Dylan. Puis arrive John Baez qui arrive sur scène en faisant un petit message en disant « Ce jour sera votre Woodstock pour les enfants, il était temps ». Et elle se met à chanter a cappella le célèbre chant américain Amazing Grace. Allez, on écoute ça. This is your Woodstock and it's long overdue. And it's nice to know that the money out of your pockets will go to food to feed hungry children. Amazing Grace, how sweet the sound. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was Voilà, vous imaginez, vous ressentez l'ambiance qu'il pouvait y avoir à Philadelphie. Alors, s'en suivent des groupes. Alors, faut savoir que sur les deux plus grands sites, à Londres et Philadelphie, chaque artiste a à peu près un temps de jeu de 20 minutes. Il va passer les Hooters, qui sont un groupe de Floride. Et puis arrive, alors là, ils n'ont pas entendu, les Mythic Four Tops. Ils font vraiment à tabac. En voici un extrait avec un petit best-of de 6 minutes 30, c'est magique sur Fadjet. Yeah. Fantops, comme c'est bon. Alors, on a dit, on fait un parallèle entre les 40 ans du Live Aid et les 40 ans de Fat Jet. Alors, pendant ce temps-là, à Fat Jet, en 1985, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on bosse dur à Fat Jet. L'idée de créer une radio remonte en fait à 1984, avec l'explosion de la bande FM. Et c'est un aumônier, un ancien journaliste, Guy Lescane, qui travaille avec les jeunes des lycées professionnels de Nancy, dont l'un d'eux un jour lance l'idée qui prend tout de suite « Et si on faisait une radio ?» Bonne idée. Une radio pour les jeunes, par les jeunes. Mais c'est un long combat qui commence. Il faut des autorisations, de la paperasse, à local. Alors au début de 85, on lance RAET. R-A-E-T. Une radio pirate. Oui, oui, oui, vous avez bien entendu, une radio pirate. Et les premiers bénévoles se retrouvent dans les salles de lycée et commencent à s'enregistrer, à travailler sur des petites interviews et diffuser des chroniques sur Nancy grâce à un premier émetteur qui date de la guerre, puis un second, parce qu'il va pas tenir longtemps, il va vite lâcher, un émetteur qui a été prêté par la radio de la CGT à 9 maisons. Ça ne se vend, ça ne s'invente pas, c'est mieux que Don Camillo et Pépone. Il y avait déjà quelques années auparavant ce genre d'expérience de radio pirate avec les fameux sidérurgistes à Longwy et ceux de 9 maisons. Allez, on va continuer à suivre car 85 ne fait que commencer. Retour au Live Aid à Philadelphie après un passage anecdotique de Billy Ocean qui chante sur une bande orchestre, aucun intérêt. Voilà qu'à 9h55 heure française, les Black Sabbath avec Ozzy Osbourne, ça pique pour un matin. Et surtout sous le cagnard, c'est Hard Rock sur Fat Jet dans Music Live ce soir. Yeah. c'était donc ce groupe qui a continué le concert. Et après le passage de Run DMC, connu au bataillon pour moi, de Rick Springfield, voici Reo Speedwagon, le groupe de l'Illinois, avec leur titre le plus connu dans un style de power ballad, I Can Fight This Feeling. Ça vous dit quelque chose, non? Les slow dans les booms. Well, I can't fight this feeling any longer, and yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. I tell myself that I can't hold out forever. I say there is no reason for my fear. Cause I feel so secure when we're together. You give my life direction, you make everything so speed. Et voilà, Réo Speedwagon. Alors, et pendant ce temps-là, Fadjet, qu'est-ce qui se passe en 85? Eh bien, on se débrouille comme on peut. La radio a démarré, tout doucement, tout simplement, avec un plateau cassette, deux micros de Chenifi, une corbeille à papier retournée en guise de pied de micro. Dès que l'on posait trop violemment le coude sur la table, avait finalement provoqué les premiers blancs d'antenne. C'était folklore, mais il y avait un vrai engouement de la part de cette première petite bande de jeunes qui va s'agrandir. Les jeunes faisaient des réunions pour savoir de quel sujet ils voulaient parler, les idées fusaient, les discussions aussi, et Guy les accompagnait sur la méthode d'une chronique, d'une discussion, d'un débat. Tout était écrit sur des feuilles de papier avec stylo, pas d'ordinateur hein, à cette époque-là, faut pas rêver, pas les moyens. Et puis c'était seulement le début de l'informatique. Les premières émissions étaient enregistrées avec deux micros, un magnétotrain cassette et les interviews se faisaient de manière folklore dans la cabine téléphonique du lycée Fessifflé avec un simple magnétophone à cassette. Bon, vous voyez, c'était une sacrée aventure. Allez, on la poursuit un petit peu plus tard parce que là on retourne à Philadelphie ce 13 juillet 85 avec à 11h12 heure française l'arrivée de légendes qui sont déjà des légendes. Alors aujourd'hui je vous raconte même pas. C'est Crosby, Stills et Nash pour à titre très symbolique en cette journée. Teach your children, apprends à tes enfants. Allez, on les écoute tout de suite. Thank you for having us. Thank you out there all over. Indeed, it's a worthy cause. We're very proud to be here. Look at all you faces. You did this. This is a song that's most appropriate, I think. Quelle ambiance à Philadelphie. Et puis, donc arrive 12h heure française, hein, et donc 13h à Londres, et là, cette fois-ci, c'est le Wembley Stadium de Londres qui s'enflamme et démarre son Live Aid, avec d'emblée, et après l'ouverture du festival, avec la Garde Royale et son God Save the Queen, en présence du Prince Charles, et à l'époque, donc, de Diana. C'est Status Quo qui arrive et qui met le feu avec son Rocking Over the World. Il fait beau à Londres, il y a 100 000 personnes qui sont là et c'est d'enfer. Rock'n'roll sur Fadjet ce soir, c'est cool. Allez, on repart vite à Philadelphie. Après le passage sur scène de Judas Priest et Brian Adams, qui est un débutant à l'époque, vient le tour d'autres légendes, les Beach Boys, avec quatre chansons, dont la plus célèbre, Surfing USA, évidemment. Alors, on l'écoute tout de suite. Go! Thank you so much! If everybody had a motion, I'd probably Beach Boys. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe à Fat Jet en 1985? Ben c'est la débrouille, hein. Mais dans une belle ambiance. Seules quelques émissions sont réalisées par moi. L'émetteur va pas bien loin, hein. Autour de 300 mètres, pas plus. Et c'est les premiers auditeurs sont les gens du quartier Saint-Sébastien, du centre commercial Saint-Sébastien, et les détenus de la prison Charles III qui va donner une belle allée et une belle idée un peu plus tard. Alors d'autres jeunes arrivent, hein, eux aussi voudraient donner un coup de main, ils veulent passer des disques à l'époque, des chansons qu'ils aiment avec des dédicaces. Philippe donne le bonjour à Sylvie et lui dédicace la chanson de Huey Lewis, The Power of Love. Tiens, bizarre, on s'en devait pas douter. Allez, à suivre. Retour au label, on est à Londres. Le passage de 5 artistes et arrive sur scène Spandau Ballet, un groupe à la mode dans les années 80, avec son célèbre titre True. You know this. I'm only singing along with you, all right? Pa-la-pa-pa-pa. This is the sound of my soul. This is the sound. One more ticket to the world. But now I come back again. Oh, I don't find it hard to write the next line. Oh, I want the truth to be said. Come on, sing it with me. The sound. While they sip it from my Et voilà. Et on part tout de suite à Philadelphia parce que là, c'est de la vraie folie. Après avoir vu Simple Mind sur scène à 13h40, c'est un groupe que j'adore et que vous avez aimé aussi, j'en suis sûr. Ce sont les Pretenders. Les Pretenders avec la chanteuse Chrissy Hynde. Et ils vont chanter 5 titres, dont le Middle of the Road. Allez, on l'écoute tout de suite. Pretenders, c'est rock, c'est cool sur Fadjet. Et pendant ce temps-là, justement, Fadjet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on continue comme on peut, avec les moyens du bord. La radio a trouvé un local, rue des Ponts, à Nancy. Un local tout riquiqui, hein, mais où on se sent bien. Les premières émissions tournent autour des jeunes, de leurs soucis face au chômage, les problèmes de société, les appels à la solidarité, les coups de main entre jeunes. De celles et ceux qui voyagent aussi et qui racontent leurs aventures. Les premiers courriers arrivent, dont ceux de certains détenus de la prison Charles III, que connaît Guy, qui intervient aussi là-bas, et qui voudrait passer des messages à leur famille. À suivre, mais on repart à Londres parce qu'il y a Shed qui arrive et la chaleur monte et elle interprète You Love Is King, un titre qui va bien avec la journée. Grosse émotion à Wembley. J'en repars à Londres parce que là il arrive du gros, du lourd. C'est Phil Collins et Sting qui arrivent sur scène pour 7 titres lors d'une sympathique battle. Ils sont que tous les deux. Collins est au piano et Sting est à la guitare. Et on va les écouter lorsqu'ils se retrouvent à la fin de la battle pour chanter ensemble Every Breath You Take. Every vow you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me. I'm a poor ex with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every step you take, I'll be watching you. Since you're gone, I'll be lost without a trace. Thank you. every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching. I'll be watching you. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, every single day, every word you say, every game you play. I'll be watching. Et voilà, Sting et Phil Collins. On part vite à Philadelphie parce que là, Carlos Santana vient de passer et c'est au tour d'une jeune chanteuse plein de succès. Je vous dis même pas qui c'est, vous allez la reconnaître tout de suite. C'est parti! Et voilà. Donc, maintenant, on continue. Ouais. Hein. On continue, évidemment. Ah non. Ah bah non. Quoi, c'est déjà la fin de l'émission. Mais c'est pas possible, le meilleur restait à venir. Bon, t'affole pas. C'est les 40 ans de Fadjet et du Live Aid. Alors, la directrice de votre radio préférée a fait ce qu'il faut. Je reviens mercredi prochain à 20h et on se fait la suite de cette journée mémorable à Londres et à Philadelphia et aussi la fin de cette année 1985 dans la mémoire de votre radio. Alors, les amis, on se retrouve mercredi prochain pour ce spécial Birthday 40 of Live Aid 1985. Since 8 o'clock p.m. on Fadjet, ok, oh, magnifique. Allez, la musique est vivante, n'oubliez pas d'aller au concert. À mercredi prochain. Ciao, bye bye.